Alpha, Grand Baleine, Desi Makangila, Willy Natine Liyombo, Namboka ya Matadi, Yambi, Bolingo etandi na motema, Nazali ko comprendre yo mon amour, Mikolo mile kimpe mingi, Meka ko salata signe à présent. Yo moto zanga ipote bonheur meka kosili samba ima wana motema Mokumba na memi ya bolingo Eko miko bota ma wana motema Yalelo eko misore ya mawa wili mwa papa Benganga na mongongo na yo emisana Na mato inanga na sala yanga ifeti Namote manana O tonto bata O assisto O ebisa O stino na Crystal Palace Yalelo e komisore Ama wanene lisangie Benganga na mongongo Na yo emisana Namato inanga inasala Yanga ifeti O silisi molili Namote manana Fèche à Tikongapi, production. Nenéli sangi mouette. Les alli punition. Et moi, papa, la fille. Tolokeli mali. Aïe, aïe, aïe, Robert, et c'est ça la marque. Toujours venu. Ajita, baya, malé, le holo. Aïe, aïe, aïe, chaque louboula. Les alli punition. Papa na Christopher.